En collaboration avec Choc FM, partenaire média officiel de la TETU, la troupe étudiante de théâtre de l'UQAM est fière d'annoncer la présentation de Lucidité passagère, une pièce de Martin Thibodeau où les chemins de jeunes adultes se croisent à travers divers moments de la vie. C'est un rendez-vous les 29, 30 avril et 1er mai au Théâtre Sainte-Catherine à 20h. Billets disponibles en pré-vente et à la porte. Pour plus d'infos, visitez la page Facebook de la troupe étudiante de théâtre de l'UQAM. Préparez-vous à vivre la 11e édition de MUTEC, le Festival de musique électronique et de créativité numérique du 2 au 6 juin. 5 jours de découverte et d'immersion, 70 prestations intérieures et extérieures, plus de 100 artistes et professionnels provenant des quatre coins du monde. Matt Mose, Mawson Mars, Maurice Van Oswald Trio, Mathias Aguayo, Nathan Fake, Pepe Braddock, Minilogue, Shed, Actress, Iconica, Guillaume de Coutu Dumont et de nombreux autres. Soyez de la partie pour le festival MUTEC qui envahira Montréal du 2 au 6 juin prochain. Passeport et forfait week-end en pré-vente jusqu'au 20 avril sur mutec.org. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Alors, bonjour en manchette ce soir. On a trouvé quoi répondre à ceux qui te disent « Toi, tu veux tout le temps avoir le dernier mot. » Vous êtes à 70%. Quand la cloche sonne, c'est qui donne son 70%? Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait fort. Du bon, bon, bon, fort, chaton, et douton encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse, bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, pas de Jésus, les doutes, tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit? Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Il regarde puis ça les attire. Oups. On est en onde. Total. Bonsoir. Peut pas être excusez, plus en onde que ça. C'était pas rien en train de parler de communistes qui mangent des enfants. Ça, c'était pas supposé être en onde, ça. C'est lui qui s'est fait cryogéniser là, parce qu'il avait fait un pacte avec Adolf Hitler. Non, ça, non, c'est non je parle de Evil and Co., un film que j'ai vu hier inspiré d'un livre qui s'appelle « The Communist That Ate Children ». Puis c'est très bon, très, un excellent film de cannibale, je vous le suggère à tous. Ok, tu veux dire que c'est pour vrai l'histoire de quelqu'un qui... Je pense que c'est inspiré d'une histoire vraie, mais inspirée, là, c'est sûr qu'il a rendu à la fin, c'est pas la même affaire. Parce il était qu'on... pas communiste. Mais beau film là, d'enfants kidnappés, violés et dégustés de couteau, c'est super beau. Très, un film très romantique. C'est exactement la même chose que le film de ce soir qui a été voté au www.douteux.org. C'est bien sûr l'excellent Real Bullet, version française de Real Bullet. C'est une histoire vraiment très plausible et possible qui se déroule dans un pit de sable. On retourne dans les bonnes vieilles traditions du jadis. Puis sinon, ben, y a Étienne Forêt, DJ Georges. Ben oui. Toi, tu étais rendu à la lettre C. Voilà. Quelle mémoire. C'est fou. C'est on a fait A et B. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je parcours l'alphabet en chanson. Fait que là, j'ai préparé de C à G. On va voir si on passe à travers ça. Hey, les gars, je m'excuse, mais réveillez-vous, là. Je vous écoute parler, puis moi-même, je m'endors. Les manques d'enthousiasme, là. Vous êtes à 70%! Good morning, McMasterville! Je salue ma tante qui habite là. Non, ça, c'était à cause d'Israël qui est pas là. D'habitude, c'est lui, là. Je cherchais ma trame sonore de fond, là. Canada. Tu sais, des fois, ils disent ça dans ce film-là, c'est Akira, là. Ils disent « Canada », puis après ça, ils tirent une balle dedans. Ah! À la place de tirer une balle dedans, puis fermer sa gueule. C'est édifiant. C'est ça. Mais comme ça, ça donne un petit indice. C'est Andy Jacques aussi, là-bas. Allô, ouais. Toi, t'as guéri ton sourd-muettisme, puis tu viens nous parler franchement d'un sujet que tu sais pas encore c'est quoi. Ouais, ben ça va être vraiment intéressant. J'ai été désourdisé, fait que ça va bien. Et voilà, mais l'intervention d'un pickle qui a pris la forme de Jésus. Là. Il n'y a plus de l'autre part. J'ai vu la face de Marie d'un pickle, c'est bon. Puis toi, Simon Préjean, il va avoir de la constructivisation, c'est sûr. Ouais, mais cette semaine, ça me tentait pas, fait que j'ai juste monté une liste des choses que j'aimais pas. Tout ça à 70%! Wow! Yeah, baby! On est justement en train d'apporter la liste des choses que Preg aime pas en studio. Ça, c'est bon. Ça, c'est le bon humeur, hein, c'est ça? Je suis en train de... C'est quoi je vais mettre, là? Je vais mettre... Tiens, Israël n'est pas là, puis j'attendais une fois qu'il soit pas là. Là oh, c'est, yeah. Comment tu t'appelles? C'est le temps de parler dans son dos. C'est une toune à lui, ça. On va l'écouter pour commencer parce que lui, l'émission. Hein, là. On le sait. Puis on trouvera bien quelque chose à faire. C'est une toune à lui? J'ai amené un jeu de risque. Ah, c'est bon. On y croit, là. J'ai un jeu de Magic. J'ai un petit tacto. Sais-tu, je pars juste aller chez nous. A burka, my father does it too. I have to wear a burka, the burka is his blue. The sky over Kabul is also very blue. The blue is from the burka, burka, burka, blue. My grandma wears a burka and my grandpa does it too. I will wear this burka, but only just for you. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue you don't know who is who. If you want to meet your sister, it can be your uncle too. C'est le Burka Band. Le Burka Band, en fait, c'est... C'est ça, mais finalement, ils l'ont pas mangé au complet, le bébé. Ils se sont fait pogner juste avant. On est en onde! c'est le Burka Band qui chante en background ici. Ça ressemble un petit peu aux Strokes. c'est le seul band, en fait, c'est le premier girl band Afghanistan de tous les temps, ou en fait, qui vient d'Afghanistan. C'est une fille de 25 ans qui s'appelle Nargiz, mais qui s'appelle pas Nargiz, parce que s'il y a quelqu'un qui sait c'est qui, peut-être qu'elle va se faire rééduquer. On va se faire narguer. Ouais. Merci, bonsoir. Et puis, c'est ça, c'est un producteur de musique allemande qui a rencontré une fille qui était capable de faire de la musique, qui lui a demandé de faire une tune. Ça a été enregistré dans le même après-midi qu'ils ont tourné le clip. Et puis, voilà. Ils sont en train de se plaindre que tout le monde a les mêmes burkas puis que tout le monde a l'air pareil. C'est le premier girl band afghan réactionnaire. Pouvez, à fond, on vient de découvrir que vous pouvez trouver le CD sur Amazon, en fait. Burka Blue. Amazon.ca. Je pense pas, moi. Ah, je l'ai, là. Il l'a dans la face. Ah ouais, t'as le CD pis tout. Oh, ouais, il y a une photo de pochette. On voit trois filles avec des burkas. C'est écrit Burka Band en dessous, Burka Blue. Puis c'est à partir de 22,82$. Pour entendre ça. Pour avoir ça. Je sais pas s'il y a d'autres tunes dessus, ça le dit pas, mais... Wow, ouais. Toute une histoire. Vous l'aurez entendu à 70%. Et voilà. C'est incroyable. Après ça, on parlait de quoi, là? Je pourrais commencer sur le film. Ouais, tu sais, sinon, j'ai vu d'autres films avec des enfants qui se font manger aussi. On pourrait parler d'Albert Fish, le vieil homme sadomasochiste qui mangeait des enfants. Toi, là. mais si on a du temps libre. Il n'y a rien, puis là, je parle de bébé mort. Pourquoi vous avez pas de fun? On va aller manger des bébés. Ah, mais là, si vous êtes tranquille, puis on s'emmerde tantôt, ben, je parlerai d'Albert Fish, un vrai homme, pour vrai, aux États-Unis, qui mangeait des enfants pour son plaisir. Il les violait pas, lui. Il fait juste le manger, il aime ça. C'est quand même plus sympathique. T'es plus tendre. Ouais. Il va être 36 aiguilles. Est rentré dans son bassin. Mais ça, j'en parle tantôt. C'est bon. Vous êtes à 70%! Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez avoir des détails là-dessus. Ah oui, on en a. Ça, c'est du teaser populaire. On envoie des Nissan Sentra à tous ceux qui survivent. Tout le monde passe du stop. Mais Tommy, lance-toi dans le film. Là, je vais arrêter de parler d'affaires. Ben, moi, je parlais de Breen LeBeuf la semaine passée. Ben puis oui. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'ai passé une autre semaine à le voir dans mes rêves. Si Breen, il m'entend à un moment donné, j'espère que jamais il ne cessera d'être Breen. C'est sûr que non. Car en sa qualité de Breen... Il peut pas, là. Non. Ben, il peut pas arrêter. Ben... Comme Jerry. Je sais pas. Il y a un gars qui avait changé de nom, là. Il s'appelle Ocho Cinco à cette heure. Ouais, ouais. Un joueur de football. Ouais, Breen, il fera pas ça. Tranche de rien, man. C'est un patrimoine, ça, ton nom de famille. Hey, comme le bœuf, tu sais, tu changes pas ça nulle part, n'importe comment. Oh non! Hey, je parle de Real Bullet, version française, de comme on a de dit. De grosse boulette. C'est ça, c'est même ça qui commence en background, ici. Là. On donne moins 1 pour la pochette en partant, parce que sur la pochette, il est écrit « Ils ont 100% de chance de mourir ». Ouais, ça, c'est quand même assez sidérant comme tagline. Hein? Mm-hmm. Puis ça, c'est un film dans lequel, finalement, ils n'ont pas toutes les chances de mourir parce qu'il y en a qui survivent. Ah, oh. On avait mal évalué. C'est 100% de chance de mourir, 19 fois sur 20, 95%. Il y a tout le temps une petite erreur possible. T'sais. Mais voilà, faut jamais perdre ça de vue. Et puis sinon, ben juste le débat, c'est comme le joueur de hockey qui donne son 110%. Là, c'est une affaire qui se peut pas. Non. On le sait, on s'appelle 70%. Ben, écoute, ouais. Vous écoutez pas n'importe quoi. Donc, en fait, c'est assez simple de voir comment on calcule ça, les notations. Je voulais en parler un petit peu. À chaque élément douteux, une séquence, là, un munch, là, c'est moins 1. Ben, on donne un moins 1. Et puis, ben toutes les étapes deviennent un petit peu plus sévères à chaque négatif vers le bas. C'est pourquoi tellement de films oscillent autour de moins 4, moins 5, parce que quand on est autour du zéro, les points sont encore plus faciles à gagner. Okay. C'est aussi ce qui explique que les différences entre les moins 8 et les moins 6 semblent plus grandes qu'entre un moins 4 et un moins 6. Parce qu'il faut que tu innoves à un moment donné. Il faut que tu aies sorti 9 façons d'insulter le monde si tu veux te rendre à moins 9. Mmh. Et puis après ça, ça devient autre chose aussi. C'est une échelle logarithmique finalement. Oui, exactement. Comme les tremblements de terre. Exact. Non? Personnellement, je suis du genre à avoir envie de réécouter un moins 5 quelques années après la première fois que je l'ai vu. et j'ai très rarement réussi à terminer un moins 3 sans l'avancer. Les moins 4 sont donc cette limite mince entre l'envie d'arrêter et la curiosité morbide slash l'espoir honnête de trouver une séquence valant moins 1 d'un gros coup et amenant l'œuvre à moins 5. Moins 5 reste le consensus minimum pour être proposé au visionnement. À Québec aussi, à la Ninkasi. En bas de ça, c'est jamais projeté. C'est ça, on n'essaye même pas. D'ailleurs, j'ai écouté dernièrement cette semaine beaucoup de films douteux. Ça m'a fait du bien de revenir aux vrais amours. J'ai écouté Future Cops, qu'on m'avait chaudement suggéré. C'est du moins 7 du futur. Là. C'est vraiment quelque chose d'assez impossible. Des Hongkongais qui reviennent dans le passé pour régler des affaires. Playmates of the Ape aussi. C'est le softcore porn le plus insultant que j'ai vu. À un moment donné, il y a une boule de disco en miroir, là, qui est comme en freeze frame, qui passe par-dessus l'écran, puis qui c'est comme le vaisseau spatial. OK. Fait que c'est ça. Puis les héroïnes sont intégralement nues, d'un bout à l'autre. Les singes ont comme du linge, mais pas les Playmates of the Bay, of les the Ape. Puis ils arrivent de la Terre dans le passé. Ils sont pas habillables. Ils arrivent, ouais, c'est ça, il y a rien à faire, je sais pas. Là. En fait, ils sont dans l'espace... Hey, c'est ça. Il y a une séquence lesbienne au début, puis là, juste après, elle donne une tape sur le mur parce qu'elle a tellement de plaisir, puis là, ça part un bouton, puis le bouton fait que la séquence d'autodestruction est entamée et il n'y a rien à faire. J'ai trouvé ça bien pratique que ça soit juste à côté du lit. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as besoin de t'auto-détruire rapidement pendant la nuit. Ah oh, ouais. Pas besoin de te lever puis de chercher le piton. Puis tu peux rien faire pour le reverser. Si dans la chambre des parents aussi, les enfants peuvent pas aller l'accrocher sans faire exprès. C'est tout des enfants. Et puis, on a vu Super Hell aussi, un espèce de Normandin d'horreur arabais. Oui, ça, tu m'en as parlé la fois. Ça a l'air assez intéressant. Très, très bon. Et lui-même, moi, encore tout ce qu'il y avait dans ce film-là. Hey boy. C'est un pot pourri de toutes les icônes classiques du 2. Ouais, ouais, vraiment. Là, je veux dire, ils ont tous pris leur suit et leur déguisement au Dollarama sans montrer qu'ils sont conscients qu'ils l'ont pris au Dollarama puis qu'on est conscient qu'ils l'ont pris au Dollarama. Ce qui ramène quelque chose, une espèce de bouillie impossible. Là, c'est insuivable, il n'y a rien. Il y a un moment donné une madame qui se masturbe avec un couteau. Ouais. C'est pour toi, Predge. Il ne l'entend pas parce qu'il filme. Ouais, t'occupes à filmer. Je sais pas pourquoi. Hein. Ah, Fred. Ok, je reviens. J'ai entendu qu'une fille se crassait avec un couteau. C'est ça. Y a-t-il des bébés, quelque chose? En tout cas, toutes sortes de films douteux différents qu'on va sûrement vous proposer avant longtemps au visionnement. Et puis d'ailleurs, IFO, là, Identified Flying Object, wow. Ça a été bien plus douteux que l'étude de style indigestible de la semaine passée. Nostalgiquement, tout ça encore une fois, ça me fait penser à Breen. Tout lui fait penser à Breen. Tout me fait penser à Breen. On s'en va directement dans le film Real Bullets. Je vais en reparler un petit peu plus tantôt. Les vraies boulettes. Là, il nous présente comme ses amis au début. C'est interminable. La musique est bonne, en tout cas. Les sont devenus célèbres parce qu'ils obéissent à des règles très strictes. Aucun détail n'est laissé au hasard. Le boulot que nous faisons est une partie de plaisir. Mais ce n'est pas un jeu. C'est un travail dangereux. N'oubliez pas que tout se joue à un dixième de seconde près. Sinon, vous risquez d'être tué ou de tuer votre partenaire. La précision est la clé de notre métier. Je vous remercie pour votre attention. Il y a vraiment là d'un agent de bord. Merci d'être venu. Au revoir. Ouvrez les sorties sur votre gauche et votre droite et le fond de l'appareil. Je connais John depuis une vingtaine d'années. Nous avons grandi à Los Angeles. Du calme dans l'avion. Nous avons partagé des moments fantastiques, mais aussi des instants de désespoir. Ses hauts et ses bas ont consolidé notre amitié. Ouais, 20 ans de complicité. Mais je n'assiste au cours de John que depuis l'été dernier. J'en avais marre d'être un simple mécano ou peut-être que allô? J'avais envie de sensations nouvelles. Allô? Allô? C'est sûrement une de tes amies qui t'espionne. T'es encore en retard. T'es encore en retard. La virée va te changer les idées. T'es pas d'accord? Je suis pas si sûr. Tu penses à Darlene? guitare. Ça m'embête, Kelvin. Tu sais, ils veulent l'appeler comme ils voulaient. Ils ont quand même choisi Darlene. Je peux t'arranger un même en anglais, Darlene. Tu peux faire mieux. Non, c'est gentil. Ouais. Ça fait un peu louisianais. Ben, en fait... J'ai pas encore oublié ton dernier plan, Mérite. Hey, moi, j'ai hâte de l'oublier. Ouais. Ton dernier plan, ouais, c'est pas ma faute. Et bien sûr, c'est le début dynamique. On va revenir à la présentation des personnages principaux. Là, on a rencontré John et le narrateur. John, c'est une histoire assez compliquée. Là, je vais en reparler tantôt, mais John joue le rôle de John dans le film et Darlene joue le rôle de Darlene dans le film. Okay, c'est vraiment de la méta-cochonnerie au niveau... Tu vas tout comprendre tantôt, Étienne. Là, avant d'aller dire bonjour à notre invité et passer vers d'autres parties de l'émission, là, on a notre commanditaire ici, le backup. On va écouter l'annonce, c'est très très précieux. Million Americans keep guns in their homes for protection. The Second Amendment to the Constitution guarantees all Americans the right to keep and bear arms, but these arms must be accessible. The patented backup gun rack keeps your shotgun at your bedside and is easily hidden by blankets and sheets. For only $39.95, you can own the backup to make your guns accessible to you when you need them, yet hidden and out of the way when you don't. Get up now and call the number on your screen. Make your firearms accessible by ordering the backup. It's adjustable to fit any shotgun. Many customers are buying one for each side of the bed. C'est vraiment beau, un rack à gun qui s'accroche après le lit. Hey, c'est... Ben c'est au même endroit qu'on met le bouton d'autodestruction, c'est logique. Non, mais le monde qui veut pratiquer leur réflexe, mm-hmm. Se réveille à 3h du matin avec leur cadran, puis leur but c'est de POW! C'est shooter le plus vite possible. Ben ouais, tu demandes à ton petit garçon d'aller chercher le gun en haut, il est là, il est accessible. Aucun accident possible. Non. Dans le noir, avec tes sens brouillés par le sommeil, t'es tout soumis de garder tes objets de destruction les plus massifs à portée de main facile. Ils disent, ils se cachent bien avec les couvertes, tu sais. Il n'y a aucune façon que les couvertes peuvent se pogner dans le gun, puis là tu te retournes, puis le gun se ramasse dans le lit, tu l'accroches, ça tire. Ouais. J'imagine être couché en cuillère avec ton 12. Il doit en avoir qui l'ont fait. Puis il y a le sens symbolique, tirer un bon coup. Rop-pop-pop! Denis Munger qui est revenu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Salut, Denis. Tu vas nous reparler de quoi aujourd'hui? Voir. On est à la lettre C. Oui. On est rendu là. J'aurais deux sujets. C comme corvée. Mm-hmm. C'est bien C ou C? Non, C. C'est corvée. Ouais, c'est corvée ça. Du maire, entre autres, le 24-25. OK. Une version un peu spéciale que je vous propose, près du canal La Chine. Et un autre C qui est très litigieux, même s'il semble tout à fait banal, c'est canette. C'est comme dans canette. Bon, ben parfait. Ça va compléter l'émission. Il manquait de plâtre un peu. J'ai rencontré Denis cette semaine en face de Edgar Hyper Taverne. La Hyper Taverne? Ah ben oui, l'Hyper Taverne. Là, c'est le plateau. Il faut que ça soit plus que les autres quartiers. Non, oui. C'est pas une taverne. Pis c'est quoi ça? C'est, mettons, c'est une super place saillant, de plateau. Si là, genre, si c'était hot, tu vas là, puis c'est des petits chiquitas. C'est coke. C'est coke. Et voilà. Pis, moi, j'étais là un mardi, parce que j'ai un ami qui est barman là-bas. Il n'y a pas personne le mardi, c'est tranquille. C'est quoi la différence, mettons, entre une hyper taverne et une taverne? Tu payes plus cher, puis t'as l'air cool quand t'es dedans. Ah, c'est ça. C'est pour ça que ça se situe sur le plateau. Lounge. musique en direct. Sur une taverne, tu peux avoir l'air un peu loser. Hyper taverne, là, man. Impossible. Le baby-foot est en or. Je veux pas le dénigrer, là. C'est le fun, les journées tranquilles. C'est juste que, bon, les fêtes de semaine, c'est juste des douches. Ouais. Puis quand tu sors de là, tu brilles dans le noir. Fait que... À cause de la lotion de bronzage. Venez nous voir les mardis, on va du fun. Mais pas d'autres jours parce qu'il va y avoir des douches. Ouais, les autres journées, il y a des douchebags. Fait que c'est mardi ou jamais. C'est dur à décoller. Justement, mon C-canette commence à l'Hyper Taverne, justement. C'est après avoir cueilli des quelques bouteilles autour de la caverne en la taverne en question. Pas besoin du C non plus. Que j'ai eu une belle rencontre chez le marchand du coin. J'ai rencontré la police. Bon. Encore? À cause que t'as ramassé des bouteilles qui traînaient. C'est illégal, ça. Oui, je suis arrivé à l'IGA du coin avec 3$ de bouteilles, dont 8 bouteilles en fait, et le reste en canette. Et on m'a répondu: oui, mais monsieur, vous n'avez pas votre boîte en carton. je devais avoir ma boîte en carton pour échanger mes canettes et mes bouteilles. Ben oui. La boîte dans laquelle les bouteilles se trouvent originellement, c'est ça? C'est ça. Okay. Alors, je lui ai expliqué que ça ne se trouve pas sur le marché là, de la récupération de canettes le soir. Il n'y a pas de boîte en carton qui traîne trop. Non, trop. C'est généralement des bouteilles isolées. Seul, lamentablement, perdu sur le trottoir. La poésie des bouteilles oubliées. Mais ouais, je comprends que c'est cheap, là. Ils veulent, en tout cas. En fait, c'est une raison, un argument de plus pour empêcher les récupérateurs la sorte de se faire de l'argent. De faire de l'argent, puis de faire leur job, quoi. De récupérer un peu d'argent, puis de se la couler un peu douce le lendemain matin. Mm. Alors, j'ai gueulé. Et parce que j'ai gueulé, on a appelé la police. Mm, voilà. La police m'a expliqué que c'est le monsieur qui a raison et que ce n'est pas moi. Donc, je devais aller à l'autre Provigo plus loin. En fait, mon premier choix était un métro qui a passé au feu la semaine passée. Alors, j'ai dû me replier. Cause à effet. C'est louche. En fait, quand je me suis retrouvé, j'ai un autre métro et j'ai pu obtenir mon 3,25 $. Mais encore combien de temps, je ne sais pas. Oui, avant que tout le monde se mette à Et je vous rappelle que Recycle Québec nous dit que la consigne non retournée correspond à 12 millions par année, 12 millions de dollars par année. De consignes que les embouteilleurs se conservent à eux. Bon, ben, ça donne à réfléchir. J'avoue, 12 millions, c'est pas mal. Hein? 12 millions à 5 cents, ça veut dire 250 millions de contenants. Hey, là-dessus, je pense qu'on va aller voir la chronique de DJ George. Bien oui. Denis nous a entamé les C de la bonne manière. Tout à fait, hein, on se croirait à Sesame Street. L'émission d'aujourd'hui est une commandite de la lettre C. De la lettre C. Et du nombre 12. 12! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu coupes, poum, poum, tu coupes, tu coupes. Hey, Predge, bébé mort. OK, alors, aujourd'hui, l'essai, là, j'étais super heureux parce que imaginez-vous donc que Caroline Néron vient de lancer son troisième album cette semaine. Hop, ça donne qu'on fait l'essai cette semaine. Et son album s'appelle Le Destin, puis elle-même dit qu'elle l'a appelé comme ça parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, et ce qui en est une preuve tangible tout de suite aujourd'hui. J'étais vraiment content de découvrir ça. Fait qu'elle a raison. Là, tu parles de l'album de l'actrice internationale. Oui, oui. Comment internationale? La grande actrice. Puis jouait quoi, elle est déjà allée à Longueuil? Elle est déjà allée. Elle fait un film de vampire en France. C'est vrai. Pour vrai? Oui, oui. Elle se baignait dans le sang des vierges. Ah, ouais, ouais. Tant qu'on la regarde dans les yeux. Oui. Non, ça, c'est Mère Chantal Toupin. On les mélange souvent, par exemple. Puis vous allez voir, je vais faire jouer les extraits, puis on les mélange encore plus. Moi, je trouve que les 10 de Caroline Néron, ça sonne comme une version édulcorée de Mère Chantal Toupin. Fait que ça vous donne une idée. Là, du choix un peu naissant. J'en pars une comme ça ici. Ça s'appelle Nos âmes s'appellent. Ah ouais, le. Bien avant que nos regards se croisent, que l'on échange la moindre parole, avant d'arriver sur la même voie, nos pas sont déjà tracés sur le sol. Amène-moi un refrain qu'on survive. C'est pas facile, neutre, mon gars. C'est vraiment... Il y a rien. Il y a rien, c'est ça. C'est pas franchement pourri comme bien d'autres non, affaires. Non, c'est juste vide. C'est juste vide, c'est plate, puis il y a rien. Elle fait deux notes. Elle a zéro, là. Ouais. Puis elle a pas de voix non plus. Là, on approche du refrain, là. Et c'est de plus en plus clair. Ah ouais. C'est pas une autre note. C'est parce qu'elle fait les deux mêmes notes de voix qu'elle faisait dans le couplet, là. Ouais. Rien de plus que le reste. C'est même l'air sur l'album au complet. Ouais. L'air, je pense qu'elle a des beats, ça ressemble. Perdez-vous dans les perdus. Complètement. Perdez-vous dans les percussions. Bon, mais ce n'est qu'illusion. Comme beaucoup de goût. Ah, il est beau, hein. C'est vraiment fat. Bon, je sais que c'est difficile, là, mais as-tu un autre exemple? Oui, check bien, je t'en parle un autre. Je serais curieux d'en entendre un autre bout, une autre affaire. On va écouter ici l'effet mère. Oh, tabarn. Ah ben, attends. Avais-tu nous parlé de son expérience récente, de son nouvel album, là? Parce qu'elle s'est reproduite. Ah, elle est fertile. Au fond de moi, c'est l'éphémère qui me chavire et que j'embrasse. Que j'embrasse des affaires. Bien plus fort que nos promesses, comme une le petit trémolo mal de cœur. Ouais. Que la chance caresse. Ça, son dernier album, c'était genre dance. C'était pas meilleur, mais au moins, il se passait quelque chose. Ben, t'es cochon. Ouais, puis son dernier album a été un flop commercial. Ah, vraiment? Incroyable. Ah, ouais, ouais, c'était démolé. Ouais. Moi, je suis très sensible au vibrato. Oui, il y en a beaucoup, hein? Ah, oui. Puis là, je vais vous faire écouter quelque chose qui est pas dans les C, mais vous allez voir, il y a un lien pareil. Je pars ici, Véronique Sanson. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de Véronique Sanson. Elle chantait le thème de Radio Québec dans le temps que c'était une radio à la télé. Ah, oh, je replace. C'est pour caca. C'est la toune, c'est du caca, c'est ça? Non, ça, c'est la chanson par excellence pour les vibratos. Ça, c'est parfait. Ça. Ah oui? Ouais. Ça s'appelle Amoureuse. Écoute les vibratos. Ah, c'est fatigué. Wow! Sans que j'ai l'ombre d'un universel. Ah ouais, mais je reconnais sa voix, là. Ouais, vous la connaissez. Là. Ouais, on connaît. Même la chanson, là. Si je l'avance un peu plus, là. Encore un peu. Si c'est on va approcher chose du refrain. Ah, ben c'est la petite grenouille, c'est ça? Quand je suis loin de lui. Voilà. Je suis loin de lui. Andy le reconnaît tout de suite. J'ai pleuré beaucoup. Fait que ça, c'est Véronique Sanson et ça, c'est Caroline Nep. Non, non, non. Puis la reprise. Non. Non. Je m'endors avec lui. Mais moins intense. Moins intense. Elle a enlevé de quoi, évidemment. C'est très mollante, là. Ouais. Là, c'est quoi? C'est elle a suivi des cours de chant, elle est rendue à l'état vibrato, puis elle s'est toujours l'expérimenter dans ça, mon album. Ah, après les bijoux, la chanson. Oui, voilà. Parce que c'est comme ça qu'elle finance tous ses albums. Là. C'est qu'elle a une ligne de bijoux qu'avant. Hein? Là, ça veut dire, mettons, il y a son nom d'associé avec des affaires, puis le monde achète. Ouais. Ouais. D'autres affaires. Les bijoux Caroline Néron. Produits dérivés. Ça encourage la convergence. Produits dérivés de son rack de boules. Elle a comme l'air cochonne aussi. Je vais l'amener au refrain. C'est vrai que c'est pas elle qui a fait le Regardez-moi dans les yeux. Suite à Regardez-moi dans les yeux, elle a sorti un album avec une photo très explicite. Elle monte pas, elle, hein? Non, elle est pas capable de faire les yeux. Elle est pas capable de rien faire. Mais c'est ça qui est fade. La musique est ordinaire. Fait que dans ce temps-là, au moins, est une voix ou un talent. C'est ça. Ni l'un ni l'autre, là. Il y a eu une empilade de vibrato. Ouais, ouais, elle nous les a faites en écho, un par-dessus les autres, là. Je peux-tu revoir cette bout-là, Étienne? Empilade. Attends, je vais reculer un peu. Non, ben oui. C'est comme un canon de vibrato. Oh, man. Ça me fait penser à la toune thème des Sélénites, là. Ah ouais, c'était le en tout cas. Ça me fait penser que j'ai pas fermé mes ronds. Ouais, tout à fait. Puis tu vois, elle dit ici dans une entrevue sur internet à matin.qc.ca, on dit son deuxième album ne récoltera pas les éloges. Oh. Puis elle dit, il a été mal reçu. On s'est attardé à la pochette, vous Caroline. Parce que c'est ça qu'elle dit, c'est que c'est la pochette qui a pas pogné, tu sais. Les gens ont pas écouté l'album parce qu'ils aimaient pas la pochette. Moi, je suis désolé, là, mais... Queen, il y avait le même problème. Ouais, c'est aussi tout le temps ça, les maudites pochettes. Ah, c'est la faute aux pochettes. Queen, mais moi, de mon côté, je peux vous le dire. Pourquoi tu penses Village People était populaire? C'est à cause de leur cover, man, avec les costumes. Ah oui, c'était joyeux. Fait que tu l'achetais, tu l'écoutais pas, mais la pochette était vraiment belle. Fait que là, cette fois-ci, ben, elle a une autre pochette. Fait qu'on espère que ça va aller mieux pour elle. L'iconographique. Ça rend-tu comme, mettons, le... C'est la main noire. Ah, c'est bon. L'album, il est de même, d'un bout à l'autre. C'est intolérable. Écoutez d'une shot, là, il faut être fait assez solide. toi, t'as pas été à « Ne recueillera pas des loges ». Toi, t'es allé à « Intolérable ». Oui, oh, carrément. Non, c'est clair. Est-ce qu'on va l'entendre sur les ondes de Radio Cochonnerie? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Pas c'est toutes, là, parce ça, que là. C'est chien, là, mais... Juste après du Claude Valade. On va en mettre une ou deux bonnes là, comme ça. Ah, mais j'ai jamais été surfé sur autant de vibrato. Là. J'ai l'impression d'avoir un parachute vibrant jusqu'à la prochaine fin de tourne. C'est la lettre C Ouais. Peux-tu faire une demande spéciale? Oh, ben vas-y donc. J'aimerais vraiment entendre Claude Valade qui nous chante « De quelle couleur est la peau de Dieu? » C'est vrai, au c'est moins jusqu'après bien. Le refrain. Okay. Après ça, on peut passer. C'est bon. C'est un petit extra bridge. Ah, merci. De quelle couleur? Mais il n'est pas voilé, Écoute, elle va te dire ça. Oh yeah. Je disais bonsoir à mon petit enfant en l'embrassant tendrement. D'une voix endormie, il m'a demandé de quelle couleur est la peau de Dieu. De quelle couleur est la peau de Dieu? Elle est noire, jaune ou brune, rouge ou blanche? Comme tu veux. Les hommes sont tous les mêmes sous le regard de Dieu. Ah, oh. Oh, merci Étienne. Ça fait du bien hein, de se le rappeler. Nous sommes tous égaux. Ouais. Sauf elle, elle est un petit peu en dessous de nous autres. Alors Dieu est une peau qui est un mélange de toutes les couleurs, donc blanc. Wow! C'est la joke qui vient avec la toune. Ça, c'est chromatique, ça, c'est pas artistique. Non, c'est ça. Ou c'est noir, c'était artistique. On a tout le temps la même discussion. La théorie voudrait que ça soit brun. Mais moi, quand parle de mes couleurs, moi, ça donne brun. Si on parle de peinture, oui, ok. Mais si on parle de lumière, c'est blanc. Oui. Puis moi, j'ai toujours entendu dire que Dieu est lumière, jamais peinture. Là. Fait que c'est clair que ça. On peut-tu aller avec translucide? C'est peinturé dans le coin. C'est ça. Oui, ça, c'est clair. C'était la demande spéciale de Predge. Merci. Sinon, on passe... tout le monde se remercie. On passe à... on va changer de genre un peu. On va aller vers du côté de la France avec Corinne Calabrese, donc double C. Et la chanson commence par un CCD. Ça ne s'oublie pas. Ah, oh, c'est bien fait. Corinne, c'est triple point, ça. Oui, triple pointage. Merci. La pochette. Mot compte double. Vous allez voir qu'effectivement, c'est très difficile à oublier. Parce qu'elle chante vraiment bien, hein. Déjà la musique, c'est top là. Ah, il tentait pas. Non, tu vois, je peux. Ils le disent pas, mais je pense qu'elle avait un fusil sur la tente dans le studio. C'est ça. Oh! Attends, je peux-tu réentendre ce petit là? Oh! Hein? Check bien le refrain, là. C'est bon. C'est là. C'est-tu un producteur qui voulait coucher avec et il a proposé un titre? J'espère au moins qu'il a couché avec. Ben, j'espère, salut. Hey, ça tape ses nerfs. Hein. Ça ressemble au slow de Belgazou aussi. Ouais, mais moins bon là. Ouais. Belgazou avait une meilleure voix que ça. Belgazou oh, ouais. avait un meilleur nom d'artiste. Ouais, puis son claviériste était rock en plus. Ouais. Bon, ok, on va remettre quelque chose qui va remonter le moral des troupes parce que là, on s'enfonce. Vite une bouée. Je vais aller avec une toune que j'ai fait déjà jouer un mini extrait en voulant m'en servir comme thème pour Israël. Ça s'appelle Courrier du cœur. De Joël Denis. Fait que pendant qu'il est pas là. Ah, oh, pas Joël Denis. Ça, c'est joyeux. C'est comme un suppositoire, mais par les Mon oreilles. Nom, c'est Eugénie. Oh. J'ai 40 ans, je suis une vieille fille. Moi, je danse le tango. Mon style, c'est l'homme Valentino. Mon nom, c'est Azilda. Il se fait plein de voix. Oh. J'aime bien la nature. Oh. Je l'aime j'aime pas, aussi lui. Les petits pois et puis les messieurs qui sont gras. Courrier du cœur. Tu vas trouver un bon parti. Pouette, pouette. Ça va te coûter une piastre et demie. Courrier du cœur, quel bonheur. Lis ta gonzette, Antoinette. Tu vas trouver un bon matin. L'homme de tes rêves, ça c'est certain. Personnage, sarcasme. Mon nom c'est Rosemée. Je fais de l'urticaire, je fais bien à manger, je fais des bises à mon sexe. Il semblait qu'on remontait un peu. Au moins, c'est plus joyeux. Oh, ouais, oh, ouais. Et au moins, il fait exprès là, d'être calme. Niaiseux, là, c'est ça. Ouais, ça change quoi? Là. Ça change toute la perspective. Ok, vous êtes pas content encore? Ben, on va mettre d'autres choses. J'ai une belle chanson ici de Cité Rock Matante. Plutôt, c'est JMF, je pense, ça ressemble plus. C'est Jérôme. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Oh. Moi qui ai 57 ans, oui, c'était oui. Le bon temps du vaudeville. Oui, c'est ben vrai. Oui. Les belles années. Où alors, sont c'est... les belles années? Donne-moi la main et si tu t'y prends bien, je t'emmène avec moi sur l'Himalaya. C'est du Claude François. Moi, c'est Jérôme. Okay. Son prénom, c'est une initiale. Hey, je suis sûr, j'essaie de chercher laquelle, je la retrouve pas, mais je suis sûr qu'il a fait de la musique pour des génériques d'émissions d'enfance. Ouais, je pense pas. Ouais, c'est à vous, je suis sûr que vous reconnaissez toute sa voix. Ouais, ouais, les ouais. Mousquetaires, c'était ouais. Les mousquetaires, les trois mousquetaires. Ouais, c'est possible, ça, comment faire quelque chose. Je suis pas d'accord, sûr, moi. C'était celui avec le chien ou avec les amis? Ouais, celui avec le chien. Je pense que c'est le chien, hein. Petit ouais. Ours brun aussi. Ouais, aussi, je pense. Non, mais je vais aller voir, je l'ai le générique de l'autre. Ben, je pense que c'est les aventures du mousquetaire. Ben, ça ressemble à ça, là. Ouais, ouais, une affaire comme ça, le titre. C'est oh, ouais, il y a un genre particulier. Ouais, ouais, je connais son style. Ça, c'est tiré de l'album 25 ans de succès. En 72, il y avait déjà 25 ans. Mais il ans a passé où, ces 25 ans-là, dans son sol? Je sais pas, mais il trippait. On n'était pas là. Non. Ben, apparemment, oui, le gars, je l'ai reconnu dans l'émission d'un cartoon. Pas si pire, quand même. On donne un moins un pour la cornemuse. Je l'ai ici, la... Ah ouais? Ouais, je vais juste... Ah oui, ben celle-là, puis là. Ouais, si j'en avais raison. Non, c'est pas celle-là. Tu connais, c'est avec non, les chiens. Non, je pense là? Ça veut dire. Ça, c'est celui avec les chiens d'abord. Ça veut dire que c'est peut-être l'autre avec les humains. Ouais. T'as-tu ça? Tap. Bon, ben, la semaine prochaine à 70%, on va démystifier C'est Jérôme. C'est Jérôme. On va t'avoir. On y croit, t'es à l'écoute, toi. Oh, ouais, je m'y mets. C'est bon, ça. Il a lâché les bébés. Hein. Je m'y mets à quatre pattes. Ah, non, non, j'ai dit que je vous reviendrai plus tard. J'ai pas dit que j'avais fini. J'ai jamais fini avec les bébés. Hein. Il va chercher en grignotant un bébé. Ça veut-tu dire que t'as fini ta lettre C, Étienne? T'en as-tu une autre? Il m'en reste une dernière que j'avais choisie pour les C. Vas-y, ça, mon gars. Alors, on a beaucoup parlé de Chantal Perry, mais comme j'en ai fait jouer plein, ben j'ai plutôt choisi de faire jouer Carl Williams, son chum, pour justement pas entrer dans la convergence puis décider de le bloquer, de le boycotter. Parce que sinon, Chantal est obligée d'aller voler des pyjamas. C'est pour ça que t'as amené des gants. Ouais, c'est ça. J'ai volé un collier aussi. Donc, il nous chante ici « Sugar Baby Love ». Fait que faites-vous une idée de si c'est parce que les gens supportent la convergence qu'ils ont décidé de ne pas le faire jouer. Il y a peut-être d'autres raisons, là, on va les découvrir. Attention, ça va fesser fort. Ah! Ah! C'est comme un test de prostate, finalement. C'est ça. C'est comme... Hey, ça serait beau, ça. Il met, le docteur qui met ça dans, tu sais, dans son bureau pendant qu'il fait le test de la prostate, je vais mettre de la musique d'ambiance. Il rentre le doigt au même moment que ça fait... Ça, c'est en 92, là. Pas en 63. Ah, ça, ben, pour vrai, hein? OK, c'est ça qui fait le plus mal. 92? Ouais. On voit que le son des instruments, ça sonne pas en années 60. Ça sonne midi. Des cloches! Ah, des cloches tubulaires, tu sais. C'est l'instrument qui vaut le plus cher dans tout son enregistrement, tu sais. De quoi, le bouton cloche? Ah, bon, okay, je peut-être la trouve de vraiment, clavier, vraiment forte, celle-là, moi. Elle est bonne, hein? Quelque chose. Il faut la faire jouer si on veut que le taux de criminalité baisse à Laval. Ouais. Alors, tout le monde, on ferme les yeux et on... On a un appel! Oh! C'est peut-être lui qui appelle. Ah, vous êtes à 70% avec Carl Williams qui chante Sugar Baby Love. Hey, Tommy, c'est Benoît. Salut, Benoît. Ah ben, Benoît, merci. Hey, ça va bien? Hey, ça va bien. Puis, est-ce que les Canadiens perdent? Ben, c'est pour ça que je t'appelle, là. Je voulais dire que c'est important, cette affaire-là qui se passe. Fait que je vais vous tenir au courant. OK. Ben oui, un petit update. Fait que... Ouais, il y a du hockey, là. C'est bon. Merci, Benoît. Des rouges, des blancs, ça se mélange. Si vous voulez être informé au niveau du sport, ouais. Écoutez, ben, c'est pour aller au sport. J'étais un geek de BD, là. Fait que moi, le sport, je comprends pas tout ça. Fait que c'est simple. Ce qu'il aurait fallu que tu répondes, c'est genre ah, soit les joueurs sont venus patiner, puis ça patine, ils sont venus jouer au hockey. Attends un petit peu, on va lui parler de sa manière, check, gars. C'est comme si les Capitals, c'était Apocalypse, et que les Canadiens, c'était l'amour que Cyclope et Jean Grey ont. Ouais, mais ça rend pas les choses plus meilleures. Ben, ça, ça, non, je le sais. Ça permet peut-être de. J'ai compris ou j'ai pas compris? Non, de ta raison, c'est ça. Le fond, c'est bon. Que la vie va continuer. D'accord. En tout cas, c'est ça, là. Vous rappelez ou je suis pas obligé? Là, ah, ben, oui, ben, c'est combien, non, combien, là? Continue de nous updater, là. Ah, il y a des points? Non, ça va. Je pensais que c'est celui qui a le plus d'étoiles à la fin, comme dans Mario. Qui... Rappelle-nous dans une demi-heure pour nous dire s'il y a encore du hockey. On met un gars là-dessus. Ah. On t'aime, Benoît, man. Merci. OK, vous aussi. All right, ciao. À bientôt, mon gars. Salut. Ah, ben, me mettre au courant dans les sports d'affaires là, du hockey. On avait Sugar Baby Love. Un bon moment de radio. Bon, ben, vous avez votre mise à jour pour les Canadiens. Puis là, ben je vous fais remarquer qu'on vient de faire de la convergence avec les mystérieux étonnants, tout en faisant jouer la toune qu'on veut dénoncer à convergence pour. Wow. Voilà. Pour vrai, Sugar Baby Love, ça a une utilité autre que nous rappeler que des fois dans la vie, il y a ces trois mots-là qui sont dits un en arrière de l'autre. Non, en fait, Sugar Baby Love, ça veut rien dire du tout, mais c'est quand Chantal Perry volait des affaires dans les magasins, elle disait que c'était pour dénoncer la convergence qui faisait que son chum, Carl William, avait pas de job parce que tous les médias étaient contrôlés par une même personne qui l'avait boycotté. Sauf TQS, elle avait quand même pris la peine de spécifier. Hein, TQS, bon, ben, TQS, c'est toute une référence. Ouais, c'est ça. Ben, ça n'existe plus. C'est non, comme, elle a été boycottée par tout le monde, sauf les prédateurs sexuels. Tu sais, mais c'est parce qu'elle a été... Elle était pas mal bonne, la chanson. Comment ça, les gens, ils veulent la boycotter? Je sais pas. Et voilà, il y a une parce peut-être... Parce que des objets, ça se paye. Y a peut-être nous autres, là, on est radio communautaire. Nous autres, on est radio bénévole. Là. Ouais. On va inviter Carl Williams pour qu'il vienne nous en parler. Oui, c'est bon. Puis Chantal Perry, mais j'aimerais beaucoup ça la rencontrer. Bon, ça en a fait au moins un de la gang. Non, mais il veut. Il y a eu comme le petit instant de bonheur. Ouais. Hey, une de mes tunes préférées qui fait préséance dans mon monde là, pour ce qui est. Hey, merci DJ, on vient de faire plaisir. Le tour. Merci, on a fait DJ. Le C, si on a du temps, on rentrera dans un D tantôt. On va y revenir, c'est sûr. J'ai des bons dés. T'as mis pas mal de tunes en français, fait que je pense que je vais en mettre une en anglais pour faire pas du russe. Anti-convergence. Ouais, russe comme le film d'hier de Evil Lenko, là, le gars qui le communiste qui mangeait des enfants après les avoir kidnappés et violés là. Ouais, parce que lui là, ce qu'il faisait en fait, il hypnotisait les enfants, il faisait juste les regarder, puis là il s'en allait de se cacher, puis les enfants le suivaient sans qu'il ait rien à dire. Huh. Ouais. C'est une belle métaphore. C'est une popée d'idées. Ah ben c'est ça. L'hypnose, c'est très utile. Oui. Surtout quand t'es cannibale. Vous l'avez entendu à 70%. On va écouter Joe Esposito, You're the best around. Ah, oui. Si avec ça t'introspectes pas. Voilà. You're the best. Mais il dit, you got the push to the top, to the end of the test. Daniel Sam. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer, comme suc des Vosges. Elles ont bon goût, les boîtes lavogiennes. Kibbles and bits and bits and bits. I long for my kibbles. I long for my bits. For my kibbles and bits and bits and bits. I long and I long for my kibbles and bits and bits and bits. Kibbles and bits and bits and bits. More crunchy bits, more chewy bits. More different kinds of bits than any leading dry dog food. Oh, how I long for more kibbles and bits and bits and bits. So long. Ooh, so long. Quand on chemine sur le grand chemin, il nous arrive. Parlant d'asthme, de rencontrer. Je suis venu à Deux Cheveux de la Mort. J'ai voulu traverser le pont à pied. En hiver, et quand je suis arrivé au milieu du pont, l'humidité de la rivière, qui n'était pas gelée, rentrait dans les poumons. Ça passait au travers du foulard que j'avais et je ne pouvais plus respirer. Je faisais signe au conducteur qui passait et par chance, l'un d'eux a arrêté. Et je lui fais signe de me faire monter à bord de son auto. Je ne pouvais plus parler. On m'a embarqué. Si on ne l'avait pas fait à ce moment-là, je serais étouffé. Sûrement, l'air n'entrait plus. Les poumons étaient complètement fermés. J'ai remercié le Très-Haut. Sinon, j'y passais. Merci encore à ce conducteur. Rendu à la chaleur et dans l'auto, je me sentais revenir. On m'a débarqué à l'hôpital. Si ça n'avait été de ce conducteur, vous n'aurez pas cet écrit. Peut-être que ça aurait été pu être. Dommage pour vous autres. Un petit Normand mort et enterré. C'est bien évident que je ne m'aventure plus jamais sur le pont. Alors, la paire de skis, je l'ai vendue le lendemain, à moitié prix. Et puis j'allais à l'aréna pour patiner. J'avais à l'époque 17 ans. Et les gens à cette époque ne connaissaient pas nécessairement le patin artistique. Le patin de fantaisie. Je m'étais acheté une paire de patins pour hommes. Ils étaient noirs. Et puis il y avait, à la main de chaque lame de patins, une série de griffes fortement affilées. Vous savez, des bouts piquants. Si vous saviez comment ça a pu être, traître, cette chose-là, ces griffes-là, ces patins-là, quand on commence à patiner pour la première fois, il faut faire attention. On plante, pas pour rire avec ça. Si l'on ne fait pas attention avec, on pourrait se faire bien mal. Mais à la longue, on s'habitue à patiner un peu plus sur le derrière de la laine de patin. On prend le tour de patiner avec. Si vous m'aviez vu faire, en tous les cas, dans ces temps-là, j'allais au forum de Montréal voir patiner on a encore capable un autre. Les Ice Capades. Et puis, les Ice Follies. Et puis, j'étais aussi allé voir la patineuse Barbara Ann Scott. Je m'étais acheté, dans une bibliothèque, un livre qui traitait du patin de fantasy. Il y avait, dedans, des portraits de base qui démontraient comment faire le salco jump. Et des trois, sur quart arrière et sur le quart avant. Il y avait beaucoup de choses dans ce livre. Juste assez pour que je prenne envie d'essayer. J'ai fini par apprendre toutes sortes de choses que j'essayais. Et puis alors, je cherchais constamment à mettre du personnel de plus en plus. Je faisais le grand écart. Vous savez, quand on s'écartèle. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais. Les jambes et chaque pied pointent vers l'extérieur. Et qu'on fait un demi-cercle. Pencher en avant ou en arrière, pour faire cela, on ne doit pas avoir les nerfs des jambes trop raides. Il faut plutôt... Oui, s'il vous plaît. Il faut plutôt les avoir plus souples. Alors, dans ce temps-là, on m'avait conseillé de prendre de l'huile de bête puante. Et je repassais ma vie comme... Merci, Andy. Quel grand moment de radio encore. Plein de douleurs. C'était étrangement hypnotisant, relaxant. J'étais rendu en transe. Moi, je m'en suis sauvé. J'étais allé fumer une clope. Je m'excuse, Andy. Je voulais pas... Mais je... Je vais t'aller dire tantôt, tu sais. Ah, oh, fuck. Puis après ça, on va aller manger des bébés morts. Non, plus tard, plus tard. Encourage-les pas. Ah, mais ça valait la peine d'aller fumer une cigarette parce que non seulement je suis tombé sur une babe que j'ai jasé longuement, j'ai aussi trouvé dans les vidanges le CD de Annick Jean, son nouvel album que je vais probablement bientôt rendre à la poubelle en question. Un album intense, selon Québécois. Non. Voilà. C'est mon fils est pas mal bon selon son père. Ouais. Hey, amène-le donc ton album d'Annick Jean, on en met une. Ah ouais? Amène-le. Okay, okay. Si on l'écoute pas là, on l'écoutera jamais. Non, c'est ça. Puis juste après ça, ben, ça va être toi et Predj. Tu vas pouvoir faire ta chronique, là, ta liste. C'est laquelle qu'on écoute? Mais c'est un au hasard, man. OK, bon, ben, réagissez quand vous avez une impression qu'il faudrait, là. Ça. J'aurais tout essayé avec Robert Smith. C'est ça le titre de la tune? Ouais. J'aurais tout essayé avec Robert Smith. Ah, mais c'est entre parenthèses, là. C'est comme featuring là, sur les albums de rapper. Je comprends. J'essaie Love-moi, ça, j'aime ça. Plus de pitié, Run, Insomnie, Si tu le voulais, featuring Pierre Flynn. Le jour, la nuit, Mon Dieu, Wild is the Wind, je sais. Chaque matin. Pierre Flynn. Hein? Je Pierre sais pas Flynn, laquelle. Hein? Pierre Flynn. Pierre Flynn. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deux grands totems de la... chiffre que tu avais dit. Directement du grand magasin La Poubelle. Ouais, ouais, c'est ça, La Poubelle. La Poubelle du ski, c'est en vente. C'est quoi qu'il avait dit la semaine passée? Les déchets de l'un sont les ressources de l'autre. Ben ouais, voilà. Regarde, il y a quelqu'un qui a acheté ça, pensait plus jamais le revoir. Nous autres, on le passe en or! On le passe à 70%. On écoute « Si tu le voulais ». Featuring Pierre Flynn, le démon rouge, man, son nom. C'est pour toi, Annick. Si tu le voulais, si tu brisais ton... Dans la nuit, qui vont sans repère Je naviguais de lune en lune, de port en port. Comme ces amants sous la pluie qui passent éphémères, j'allais compagne de fortune tenter le sort. Ouais, ben là, moi, c'était une semaine de fou encore, là, courir comme un petit chien sauvage. Fait que ça me tentait pas à tout de préparer quoi que ce soit, de lire quelconque journal, me mettre en calice encore. Fait que ce que j'ai fait, ben, à temps perdu, j'ai traîné un calepin sur moi toute la semaine, puis j'ai noté toutes les affaires qui me faisaient chier. Une belle liste de choses que j'aime pas. Alors, tout le monde, on croise les doigts, puis espérer de ne pas être sur cette liste. Fait que c'est ça, je vous lance ça comme ça, gratuitement, pour le fun de me plaindre. On y va, on commence avec le roi de tous, Bel Canada, Calis! Hey, puis celui-là, c'est le seul, je vais essayer de pas commenter toute la gang parce que j'ai 8 pages, là. Mais, esti, Bel Canada, esti, Calis de service de marde, esti, c'est rendu, man, que faut que je les appelle à tous les semaines. À tous les semaines, faut que je parle avec un hostie d'agent de Bel parce qu'ils sont pas capables de faire leur hostie job comme faut. Puis c'est moi qu'il faut qu'ils payent pour ça en bout de ligne. Puis là, esti, mon téléphone, en ce moment, il marche même pas, esti, pour je sais pas quoi, là. Moi, on essaie de me rejoindre, puis en tout cas, on enchaîne. Ok, excusez, là, on y va. Fait que là, voici les choses que j'aime pas. Bel Canada, Twitter, l'autopromotion, la vantardise, les touristes, Maman Dion, les Américains, les gens qui massent pas assez vite sur le trottoir pis qui ralentissent tout le monde. Maman Dion, c'est ton premier être humain. Ouais, ben oui, mais attends, c'est pas un être humain, là, premièrement. Les pubs de char, la vraie personnalité de Jean Leloup, les magazines de filles, la saveur des Tylenol, là, quand ils l'avalent, là, l'écran bleu des ordinateurs PC, les cheveux de Xavier Dolan, les pissenlits, le théâtre d'été, les pédophiles, se cogner les orteils sur un meuble, être servi en anglais, les compagnies pharmaceutiques, Nathalie Simard et son agent, le petit vieux qui passe tout savoir, les fifs, pas les gays, là, je m'en fous d'eux autres, juste les fifs, les astis tapettes, là, tu sais. Les clowns, les pétages de coche de femmes enceintes, les mariages, Marie Chandail tout plein, les BS, Québécois. Les quêteux, avaler des mouches, roter en ondes. Les Français, Sébastien Benoît, Musique Plus, les petits hauts en pantalon trop grand, là, aux chevilles, là. Jonathan Roy, les collectionneurs de petits pois de gâteau Reine-Élisabeth, le McDonald's, Walmart, Zellers, les idiots, le jeu de société Risk, les moquettes coquettes, les parfums cheap de ma tante, les gens qui les gens qui te lâchent pas parce qu'eux autres, ils en ont pas d'amis, là. La rue Saint-Laurent, les chicanes de famille des questions d'héritage, Coca-Cola et ses produits dérivés, la ligne de vêtements Ed Hardy pis le bronzage orange, les sorties de secours barrées, les frais pubères, les rednecks, les golfeurs, perdre mes clés, perdre l'argent, perdre la tête, perdre mon temps, les geeks qui se costument pour aller voir le dernier Star Trek, ceux qui tripent sur le médiéval, les jeux grandeur nature d'un donjon dragon, suivre les ordres, suivre les règlements, payer des factures, les toilettes publiques, les gens sans coke, ça là, je suis pas capable. Sont là. On va danser! Ah, c'est de la merde. Ok, j'étais rendu où, là? Ne pas pouvoir toucher les pitounes que tu vois sur les rues. Les collectionneurs de poupées en porcelaine. Les chandails avec un imprimé de petits chiots dans un panier. La jalousie. Pogner des échardes. Me faire dire non, je suis lesbienne, me faire klaxonner, Paris Hilton, les putes de 12 ans, Anne-Marie Lezic qui les inspire, trouver une seringue dans mon pâté chinois, ça j'aille bien ça. Payer trop cher pour quelque chose que j'ai pas besoin, déjeuner au resto pis que mon bacon est trop cuit, les sacs réutilisables en plastique, les politiciens, les menteurs, les pocheurs qui, c'est les pocheurs, qui jasent ça pendant 4 heures, c'est ma crise, donne-moi ma drogue. Attendre dans la file d'attente, les gens qui se lavent pas, la musique chrétienne, les curés, les prêtres, l'archevêché, les preachers, le Vatican, toutes les religions. Ceux qui pensent que le communisme, ça peut fonctionner. Les trous de Cayano qui déchirent tout le temps. Les films de cul avec des animaux de la ferme. Les directeurs d'école, travailler, chier, Microsoft, World of Warcraft, les Tamagotchi, les Pokémon, les manifestants contre la brutalité policière qui pètent des vitres pis qui lancent des cocktails Molotov pour attirer la brutalité policière. Cocktail. Cocktail. Cocktail. Cocktail de douceur. Dominique et Martin, un autre cocktail de douceur. Laval, le carrefour Laval, les crottes d'œil, les gens pas fiables, les caisses des jardins pis les paysans qui les contrôlent. Hey, là, cette caisse des jardins, tabarnak de calice. Moi, vous en comptez une qui est arrivée, moi. Moi, un moment donné, je payais mes factures, comme tout le monde, t'sais, bon. Je le paye soit par guichet ou sur Internet. Un moment donné, t'sais, t'as un visa qui m'appelle pis il dit, vous nous devez pas mal de cash, là, parce que là, vous payez pas vos factures. Ben, j'ai payé mes factures. J'allais voir mon dossier, j'ai fouillé un peu. Pis là, si, voyons, j'ai vraiment payé, j'appelle, si, ça prend 2-3 semaines à avoir mes réponses. Finalement, là, Caisse Desjardins a envoyé plus de 450$ de paiement à Maison Columbia quand moi, j'ai clairement sélectionné Visa. Et j'ai des preuves à l'appui que c'est pas mon problème, le leur. Et j'ai toujours pas revu cet argent. Mais Maison Columbia doit être vraiment content. Oh, ben oui, parce qu'eux autres, ils me le renverront pas l'argent. Non, c'est ça. T'es un... Mais ils vont peut-être t'envoyer 12 sélections du mois. Asti, non, même pas. Non, ils s'en calissent. J'étais en tabarnak à cette caisse des jardins de merde. Eux autres, si, je peux pas les appeler tous les semaines. Calisse. Justement, la suite des choses, hein, vous allez voir, guess, hein, ça marche demain dans mon cerveau. L'autre affaire que j'aime pas... Maison Columbia! Ben oui. On enchaîne. Jean-Marc Parent. Les gens qui trippent sur la culture amérindienne plus que les Amérindiens eux-mêmes. Pis ça, j'en ai dans ma famille. T'es calice. Est-ce que je comprends rien? Les taxes. Faire ses impôts. Se lever le matin au doux son des rénovations des travaux routiers. Star Academy, Love Story, Occupation Double, Nickelback. Les immigrants qui essaient de nous imposer leur façon de vivre chez nous sont pas contents des calices. Les gens qui me disent de fermer ma gueule, les gens qui se ferment jamais leur gueule, le cinéma d'auteur, les films en 3D, les étudiants en philosophie, les culturistes, les vrais gars qui trippent ces vrais chars, le café chez Tim Horton avec son arrière-goût de vomi, ma coloc, calice de plot à cache égoïste, le stucco, les elfes, les gothiques, les films de vampires qui sont tous pareils, esti, avec la romance, les potins d'Hollywood, esti, se couper avec du papier, les stylos qui marchent jamais, trouver des ongles d'orteil dans mon café, me mordre le dedans des lèvres au sang, les speedos, les hummers, le concours de beauté, les enfants rois pis leurs parents, Kid Rock, quand mon boss qui est pas capable de programmer une vidéo vient me dire comment faire ma job que je fais depuis 15 ans, les produits dérivés du Canadien de Montréal, les boutiques de souvenirs, les pattes de courant, être le premier informé esti de quelque chose, péter une corde de guitare, les fraîchiers, chercher un appart, le gala de la disque, la musique western et manquer une soirée bien arrosée ou douteux tous les lundis au brouhaha. Bien sûr, je passe une tonne et une tonne de cossins, parce que sinon, esti, on sera encore ici la semaine prochaine. Maintenant, voici la liste des choses que j'aime! Vous êtes prêts? Alors, point 1, me plaindre! Point 2, mettre mon gros pénis dans ta bouche pour que tu fermes ta gueule! Et en terminant, j'aime vous casser les oreilles avec des potins dont tout le monde se crisse royalement! Yeah! Alors, les voici pour cette semaine. Jennifer Aniston sort son parfum L'eau la vie. Quoi? L'eau la vie? L'eau la vie, en un mot. Jennifer Aniston. L'eau la vie. La grande dame d'Hollywood. Ouais, ouais. Non, on a aussi un grand homme ici, Kiefer Sutherland, va dans un bar de danseuse. Ah ben moi. Hey, on s'en crisse vraiment près, hein? C'est vraiment plate ton affaire. Ben voyons, on a aussi Ricky Martin, il est gay. Hein? Mm-hmm. T'es pas sérieux? Pour vrai? Mm-hmm. Paraît-il. Ouais, il est gay, c'est officiel, il l'a annoncé. Puis Evelyne, juste pour toi, j'aimerais te confirmer mon opinion sur... sur le délicieux film québécois. Ouais, confirme-moi ça, là, pendant que je suis à longue distance. OK, le journal d'Aurélie Laflamme, ça a l'air crissement plate. Fait que je vais passer à vous autres la prochaine fois que je suis mou. Aveline, à toi, comment ça va? Hey, salut les amis, moi ça va super bien. Hey, j'ai eu une journée super privilégiée aujourd'hui. Ah ouais? Je me suis fait inviter pour faire un tour d'hélicoptère. Puis là, ouais, puis là, ben, fait que là, c'est 2-0, moi, contre les hélicoptères. J'ai gagné le 2-3 déjà. Oh, shit. Oh, très fort. Puis Travis, le pilote d'hélicoptère en question, il m'a invité chez lui avec sa petite famille pour prendre un verre. Wow. Fait que je vais vous faire faire un indicatif par un pilote d'hélicoptère. Oh, yeah. Yes! On rappelle que Kevin est... OK, ben vas-y. Je vous le prête. Ben, vous pouvez y parler quand même, là. Hein? Cool, fait que bon, on se voit la semaine prochaine. Fait que à bientôt. Bye, Evelyne. Salut. En direct de Niagara Falls. Hi, this is Travis from Niagara Falls, and even helicopter pilots listen to 70%. Live from Niagara Falls. Hi, merci, thank you. OK, have a great night. Thank you too. Thanks. OK, take care. Explode! Oh, excusez-moi, c'est un réflexe. Ah, excellent, on a eu notre... hey, hein? C'est une maudite belle émission aujourd'hui. C'est fou, hein? Hey, fait que là, ce qui fait que je pense que je vais aller mettre un bout du film. Ça serait un bon moment. Ça serait peut-être pertinent. On va préparer Denis, là, pour nous parler de sa chronique. On va écouter un bout du film, puis après, Denis va nous parler de son autre lettre C, La Corvée du Maire. Mm-hmm. Présentation des personnages. John et Darlene, ils ont passé du bon temps ensemble. Même si en ce moment, il y a un peu de l'eau dans le gaz, John a toujours refusé les relations personnelles avec les étudiantes. Mais avec Darlene, c'était différent. Il y a des principes. J'ai jamais vu un homme. Mais avec Darlene, c'est différent. C'est le métier qu'il veut. Elle était plus jeune que les autres. Ah, okay, Darlene était d'une nature timide, je pensais qu'il y avait des problèmes mais digestifs. En tant que cascadeuse, elle était aussi fougueuse et intrépide que les autres. Elle était aussi superbe, d'une beauté sauvage. Je parie que je serai le meilleur. Ouais, je dois avouer qu'on formait une bande d'enfers, sacrément. Celui qui a foutu son espèce de poubelle devant ma boutique n'est qu'un gros salaud. Tu veux un sandwich? Et ouais! Toi, tu veux un dentier tout neuf? Oh non, mais c'est vraiment pas la peine de t'énerver, je vais la bouger! C'est le comique, ça c'est clair que c'est le comic relief. Oh! Il était extravagant, ça, ouais, ça lui confirme. Et on l'aimait bien comme ça. Hé, les gars! C'était le genre de type à qui tu peux pas faire la gueule. Oh, c'est bon! Pat était le plus habile avec une arme. Ce truc n'a aucun goût pour moi. Ah, on fait une jambe de grosse, hein. C'est Chippo! Mais c'est Bobo! Je me fais pas chier. Hein. Espèce c'était deux vieux inséparables. Bah, Bob, on pouvait toujours compter sur lui. Ok, il fait de la narration comme dans l'émission de Wonder Years, là, avec Fred Savage. C'était le plus fou et le plus sauvage du groupe. On l'avait surnommé notre mascotte. Parce que notre niveau d'intelligence c'est pas assez haut pour comprendre tous ces concepts-là. Faut qu'on se le sache. J'étais les deux stars. Il paraît que c'était aussi le même surnom qu'avait François Mascotte au secondaire. Notre mascotte. Diane faisait ce qu'elle voulait avec une moto. Oh. Elle pouvait voler, elle pouvait même construire une maison. Hé, hey, les gars! C'est pas des gars de l'ésotérique. Le comic relief. Claudia a été ma petite amie. Elle l'est toujours, Dieu merci. Dieu merci. Ça va, Claudia? Je t'inquiète. On comprend pourquoi elle est encore avec. Écoute bien la suite. Elle était passionnée par son chat. Drôle, hein. J'en étais très jaloux d'ailleurs. Je le fais toujours. Ah, il est jaloux de son cheval. Allez, où est-ce qu'on va? Je maintenant propose des villes basses. Ouais. On avance. Parce que les autres sont en moto, elle est à cheval. C'est ça. Ouais. Ah, ben écoute. Puis son cheval, il fait des choses qui rend son chum jaloux. Ouais. Comme la mort dans le dos quand il y avait dans le... C'était vraiment un groupe très soudé. Et il me manque beaucoup. Bon. Je croyais que John se foutait de nous quand il a parlé de ce lac dans le désert. Et, tu sais, ça me fait penser qu'un jour, John et moi, on s'est retrouvés près d'un lac comme celui-là, en train de se battre pour une fille à gros seins. Ah yes, j'ai eu ma joke de gros seins! C'est, voilà, c'est fait. Je savais que ça te ferait blesser. Ah, hey, merci, Tom. Je vais parler, bien sûr, du long-métrage en question. On a fait le tour. Non, on a fait le tour des personnages de Real Bullets avec ça. Ça nous ramène à Denis encore. Tu voulais nous parler de la corvée. Vas-y, mon gars, t'as 3-4 minutes. Bon, voilà. Le maire Tremblay a planifié une grande corvée à l'échelle de la ville de Montréal pour le 24-25, samedi, dimanche prochain. Question de redorer son image, parce qu'il en a grandement besoin. En fait, nos hommes politiques ont besoin tous et toutes d'être revampés pas mal. Ouais, je pense que rendu là, on ne peut plus redorer leur image. Il faut jeter l'image puis en acheter une nouvelle, tout simplement. C'est ça. C'est laquelle, c'est justement la question, est à savoir laquelle qu'on va mettre. Je vous propose à ceux qui sont à la recherche d'un lieu d'intervention, une corvée qui se planifie près du canal de la Chine sur les terrains du futur projet de bassin du Nouveau-Havre au coin de Peel et au bout de la rue Ottawa et à la rencontre de la rue Peel ou de la rue Guy, plutôt, Guy. Un ancien stationnement de l'ancien centre de traitement des postes qui est... complètement disparu puisqu'il a été complètement démoli depuis 3 semaines. Alors, la corvée consiste à récupérer les objets qui traînent sur le sol et à les trier en catégories spécialisées, c'est-à-dire en papier, carton, verre, plastique, métal, pour pouvoir en faire la récupération. Et... ça va se faire donc samedi s'il fait beau, samedi matin, samedi après-midi, et c'est remis au dimanche s'il pleut. Ceci est sous la juridiction, si on veut, ou sur la décision d'artistes de Griffintown qui se sont réunis en réponse aux audiences publiques du réaménagement de l'autoroute Bonaventure qui a eu lieu au mois de janvier passé. On sait que l'Office de consultation publique de Montréal a, pour une fois, et ça, j'en tiens à les remercier, à les féliciter leur courage, a refusé les propositions faites par la Société du Havre sur le réaménagement de l'autoroute Bonaventure. La question est à savoir qu'est-ce qui va en advenir, qu'est-ce que le maire va décider suite au dépôt du rapport, mais c'est à remarquer que l'office n'est pas allé avec le dos de la cuillère et a refusé d'emblée le réaménagement proposé par la Société. Voilà tout. Merci. Ça veut dire que c'est des bonnes nouvelles, ça, là. Ben ouais, techniquement. Là, c'est des bonnes nouvelles. Jusqu'à maintenant, c'est des bonnes nouvelles. Reste à savoir quelle va être la réaction de la présidente actuelle de la Société du Havre, qui est Mme Isabelle Hudon, ancienne présidente de la Chambre de commerce, qui s'est déjà commise beaucoup à défendre le dit projet jusqu'à maintenant. Donc, elle s'est baignée jusqu'au cou face à ses amis de la Chambre de commerce. Alors, je peux juste féliciter encore une fois l'Office pour l'économie qu'ils vont nous permettre de réaliser si le rapport est abandonné. Je dois mentionner qu'il y a, à l'intérieur de ce dossier, la création d'un tunnel en dessous du CN, de la place Bonaventure, un projet de l'ordre de 170 millions. Qui se voulait être un tunnel temporaire pour aménager les autobus. Ça devient 4 fois plus un coup que c'est fait. Donc, c'est une économie de 170 millions qu'on va pouvoir faire grâce à ça. Un autre dossier intéressant, ça. Merci beaucoup, M. Munger, d'être passé mettre de la couleur dans notre C. Parlant de ça, il y a cette tape. Ça va être à ton tour, Georges DJ. Eh bien, OK, lançons-nous dans les D, alors. Oh, c'est fini les C, on passe aux D. Démembrer un enfant. Déguster un enfant. Déguster, déglutir les entrailles. OK, c'est bon. ça va faire passer mes chansons sûrement plus facilement. j'ai apporté, évidemment, quand on pense à D, moi, je pense tout à D Natural. Donc, j'ai apporté une tune que j'aime bien de lui, qui est quand même moins entendue que celle qu'on entend tout le temps. Ben, ouais. C'est les plots. L'autre, on l'a assez attendu. Ouais, c'est ça. Ils veulent se faire du cash. Ah, ouais. Je l'aime bien, moi, celle-là, parce que là-dedans, ils bâchent Jordi, puis le boyfriend, puis. Toutes les vedettes. Ils se pensent meilleurs. Tous les ennemis du vrai rap francophone. Exact. Ça commence avec du faux grichage, comme ça. Oh, yeah. C'est quasiment la même base. Ouais, c'est vraiment tout le temps la même base. Ça vient d'Isite ou ça vient de la France. Son principal but c'est de l'argent dans le compte de banque. Ça cherche un style pour attirer les filles, mais sont plutôt débiles, habillés en joueurs d'équipe. Ça sait pas chanter et ils ont pas de talent. Pourtant c'est sur eux que le monde vont garrocher leur argent. Mais réaliste, on peut pas donner de crédit à un petit Christ de con comme Jordi. Ses parents ont réussi à se traire à leur désir pour qu'ils deviennent millionnaires en France, aux États ou au Canada. Ça même ça n'arrête pas, malheureusement c'est comme ça. Et dans 3 ans, on n'entendra plus parler. Mais leur avenir sera bien planifié. Ça reste quétaine, endormant pis plate. Ils ont ce qu'ils veulent, c'est-à-dire du cash. Du cash, du fric, du pognon. Acheter ma cochonnerie, j'annonce le moton. Décris le vrai compositeur. Laisse place à la vedette de l'heure. Un autre imbécile qui vient de l'Ontario, colisse de reggae manqué. Bah, on a compris, hein. Numéro 1 aux États-Unis. N'empêche, quand tu mets du D-Natural, tout le monde a tendance à se taire puis écouter. Ouais. La première fois que t'as une nouvelle tune de D-Natural, tu l'écoutes. C'est toujours bon, hein. Juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que sinon, je l'aurais écouté au complet. Certain. Ben d'accord. Ça aurait pu. Il y a toujours une chance. Toujours quelque chose à dire. Il est dans le tempo, là. Il a bâché Jordi puis il a bâché Snow, là. Wow. Il y a le boyfriend après que ça revient. Tu fais pas des amis, là. Oh non, oh que non, mais il n'a peur de rien. Il est tout petit de ça. Hein. Sinon, on a René Martel qui, ici, nous chante une chanson qui s'appelle tout simplement D-I-V-O-R-C-E. Non. C'est pas un divorce. Ouais. Mais elle nous explique que quand elle parle de ça devant ses enfants, elle les pèle pour pas qu'ils comprennent. Ah. Pour qu'ils soient plus surpris, mais que ses parents. Non, le truc, c'est qu'ils disent en allemand. Ah, ouais. Comme J-E-U ou bien S-U-R, P-L-I-S-E. Ah, jeu ou surprise. Mais les mots qu'on lui cache maintenant me brisent en dedans. Oh, attention tout le monde. D-I-V-O-R-C-E. Bon, Jeannot, c'est son mari, on se pense. Jeannot. Mais elle a été, c'est pas pareil, il n'y a pas dit son nom. C'est ça. C'est parce que c'était le mot doux de mon grand-père à ma grand-mère, ça, Jeannot. Ah, on est tellement proches. On est un mâle. On est tellement proches d'eux autres. Quand on Ah, shit. OK, next. Je salue ma grand-mère, represent. La complainte country, là, ça... Ouais, c'est pas facile, une complainte éplée, là. En plus. Bon, ben on va changer d'artiste. Je vais y aller avec une que j'aime beaucoup. Tommy, je sais que tu l'adores toi aussi. Il s'agit de Décortiquer un enfant. Doudou la rumba. Non, Mimi es-tu? Et sa jolie voix. Ah oui. Qui nous chante Ding Ding. L'amour c'est comme ça. Oh dis-moi maman, dis-moi maman, oh dis-moi pourquoi. Tommy, lorsque je pense à lui, lorsque je rêve à lui, mon cœur bat. Ding ding. L'amour c'est ça, c'est comme ça, c'est de malin. Badabadam. Ding ding, l'amour c'est comme ça, si c'est comme ça, on n'y peut rien. Hey, c'est pas mauvais. Badabadam. C'est bon, ding, c'est cassé. L'amour c'est ça. Mais à quel âge? À peu près 7 ans. Ah, c'est pas pire, ok. Elle connaît déjà l'amour. C'est comme ça, on n'y peut rien. Comme René Simard. Ouais, pareil. Elle connaît ça jeune. Comme Anson Carter. Mais elle, elle a arrêté à un moment donné cette carrière-là, puis est allée étudier, puis est revenue après, autour de 18 ans, pour faire une deuxième carrière, puis là, elle était rendue une pitoune voluptueuse qui a fait rêver plein d'hommes. Ça s'appelait plus Mimi, ouais. Elle s'appelait encore Mimi là-dessus, ouais. Elle s'est arrangée pour relever de nouveaux défis. Tout à fait. Je bien haut. Hey, ça tape ses nerfs. Puis elle danse où? Elle est rendue vieille pas mal à ce temps. Next. Ah ben, il reste 5 minutes, là. Moi, je me proposais de terminer avec ça. Ben moi, j'ai une autre partie de mon texte. Si tu veux, je peux le lire pendant que tu es en background. Ben, d'abord, je vais donner une belle inspiration. Semaine prochaine, je vous prépare une belle chronique sur les pays de soeurs en série et les mangeurs de bébés. Je vous le jure, je vais le faire. On a assez out. Oh, oh. 70%, bonjour. Bonjour, ici Simon Chénier. Hey, salut, allô, Simon Chénier. Salut, Simon. Il y a du hockey ici. Ah, ouais, ça joue encore, ça. C'est pas fini. Est-ce que les Canadiens sont en train de perdre? Je sais pas, il se passe des affaires à l'écran, puis je comprends rien. Demande à Benoît où il a expliqué tantôt. Ah, OK, ben, je vais lui demander. Allez, on arrive, Simon, on va aller régler ça, tu vas voir. C'est ça. Combien d'étoiles, là? Donc, ben, je me lance dans la chose. On parle de Real Bullets. Ah, quoi qu'on. On va faire le bye-bye avant, ouais, je pense. Comme ça, on va, ouais, on va faire le vide. Hey, merci beaucoup, Denis Munger. Salut. Merci, oui. Denis. Tu reviendras faire un tour. Tiens-moi au courant, là, Tommy, à commercial, douteux.org. Ça te tente de venir faire un tour. Oui, encore un appel. On a, hey, c'est notre troisième appel à 70%. Mm-hmm. Vous gagnez deux Nissan Sentra. Ouais, ben, c'est ça. C'est parce que tout le monde avait appelé, puis là, je me sentais tout seul. Salut Bruno. Salut. Puis c'est pas mort. Toi, tu sais c'est quoi le hockey là, l'écoute chez vous? Ben oui, c'est ça. Ben là, j'ai trouvé un site internet où est-ce qu'on pouvait la regarder la gang. Ok. Fait que c'est ça là, elle a juste mon écran. Bon. c'est combien? C'est gratuit, je pense. Hein? Il est marqué. Je pense qu'il y a du temps. Il reste 9 minutes. 9 minutes. 9 minutes. Ouais, à quelque chose, là. Dépêchez-vous, à quelque chose. Bon, ben, hey, Bruno, on souhaite de te revoir bientôt, là. Merci beaucoup d'être venu à 70%, là. On finit ça, l'émission. On s'ennuie, okay, Bruno. Il y a dans ta bulle qui sont là, puis il y a plein d'amis partout, là. Ouais. Hey, c'est Bruno, puis il y a Elisabeth. Tout le monde est là. C'est capoté. Hey, merci beaucoup, Étienne Forêt. Merci, Simon Préjean. Merci beaucoup, Andy Jacques, d'avoir lu Normand d'une manière merveilleuse. Moi, je vais le réécouter en arrivant à la maison. Oui, Bruno? Non, il a abandonné, je pense. Ah, peut-être qu'il a compris mon en manchette de s'asseoir de tantôt. Alors, la semaine prochaine, des cadavres, des viols, des kidnappings. Tout ça dans l'ordre et le on désordre. On va dans les fields, s'il faut. OK, bye, là. Je pense encore à Breen. Ah, OK, je fais ça vite. Ce soir, on écoute Real Bullets, version française de Real Bullets. Real Bullets, ça veut dire « raie suintante » en diola. C'est un dialecte africain. Et « vraie balle » en français. Vraie balle, ça m'amène à vous parler d'un autre concept extrêmement douteux, illustré jusqu'au niveau métaphysique par ce long métrage de 1990. Cette fois, ce n'est plus un jeu. Combien de fois avez-vous croisé ça dans vos heures de cinéphile assumé? Combien de fois avez-vous été témoin d'un événement lourd qui vient changer les règles du jeu au point de faire du jeu la réalité? Tu perds, tu meurs. Combien de câlisses de métaphores, de pilules rouges et bleues on s'est fait gaver par les yeux? Peut-être juste derrière la proie qui devient le prédateur. Cette fois, ce n'est plus un jeu et de ces concepts pour lesquels on va offrir 3 milliards de nanosecondes de silence. Pourquoi métaphysique, ai-je dit? Le scénariste et acteur principal de Real Bullets, John Gazarian, tient le rôle de John. Sa blonde dans la vraie vie est Darlene Lando, fille de Martin Lando, seul acteur connu du film. Darlene, dans Real Bullets, joue le rôle de Darlene, la blonde du héros John. Également, on retrouve Merritt dans le rôle de Merritt, Jim dans le rôle de Jim, Patrick dans le rôle de Pat, Claudia dans le rôle de Claudia, Wolfgang dans le rôle de Wolfgang, Samir dans le rôle de Samir, et ainsi de suite. En somme, une bande de cascadeurs de cinéma dans la vraie vie s'est mise au centre d'un récit fictif racontant les aventures d'une bande de cascadeurs d'Hollywood. Et cette histoire, c'est quoi? Cette fois, ce n'est plus un jeu... On vous laisse avec dans ta bulle. Allez pas faire autre chose parce que vous allez vous tromper. Ça, c'est la trame sonore. Ça, c'est la meilleure.